Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Jonathan, bras de fer, je travaille à la RTBF. J'allais vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais donc vous êtes journaliste à la RTBF. Exactement, et je présente le 15 minutes sur la 2. Est-ce que vous avez une idée de la différence d'appréhension du temps dans les années 60 ? Non, mais j'imagine que les moyens de technologie avec lesquels on travaillait étaient tout à fait différents. Je sais que par exemple pour un sujet télévisé dans les années 60, on pouvait mettre 3 jours, 1 semaine pour le monter. Ici, nous, on doit juste mettre 2 heures. Donc je peux imaginer que la gestion du temps est tout à fait différente, oui. Bon, c'est assez similaire dans la vie quotidienne. Tout va beaucoup plus vite, les communications. Ici, on n'attend plus d'être rentré à la maison pour prendre son téléphone fixe pour appeler quelqu'un. On le fait dans sa voiture avec son oreillette, Bluetooth. Oui, tout va beaucoup plus vite, la télé aussi. Donc on travaille toujours au plus vite, au mieux. Justement, dans votre vie, est-ce que vous avez le temps de cuisiner le soir, par exemple ? Bah, pas tellement, non, parce que je rentre, le journal c'est à 19h passé, le temps de rentrer il est 20h30, donc oui je cuisine, mais c'est vraiment la semaine rapide, manger vite et bien, essayer que ce soit bien quand même, et le week-end là je prends le temps, oui. Ah oui, et par contre vous prenez le temps de manger à midi ? Oui, on prend le temps de manger à midi. Au début, c'était pas bien, on mangeait devant notre ordinateur et des collègues nous ont fait remarquer, à moi et ma collègue, que c'était assez convivial et bénéfique de partir tous ensemble manger pendant 1 heure. Et effectivement, c'est beaucoup mieux pour la gestion de sa journée. Pour un petit peu décompresser. Ouais, passer un peu à autre chose, discuter d'autre chose que du travail. En général, vous vous sentez stressé par le temps ? Ça doit être une déformation professionnelle, mais le temps est fort présent dans ma tête, oui, et j'essaye de faire en sorte qu'il le soit moins, parce que sinon c'est un peu obsédant. Ouais. Si vous aviez du temps en trop, comment est-ce que vous l'utiliseriez ? Je crois qu'il faudrait apprendre à s'embêter un petit peu plus. J'aimerais vraiment bien apprendre à m'embêter. Ça, j'arrive pas, parce que j'ai peu de temps à moi la semaine. Donc du coup, le peu de temps ou le plus de temps que j'ai le week-end, je le rentabilise beaucoup trop. Donc je suis tout le temps un peu speedé. C'est pas une bonne chose pour l'éthique la santé, la vie quotidienne. Quand vous parvenez à déspider un petit peu, est-ce que vous avez le temps d'écouter de la musique ? Oui, je prends le temps d'écouter de la musique. J'essaye de lire aussi, pas mal, pour un peu déconnecter de la télévision, de la radio. Je lis plus que écouter de la musique, en fait. Et vous écoutez quoi comme musique ? Bon, je suis très radio. J'écoute beaucoup plus FM. Sinon, si c'est un CD, ça va être, à mon avis, Muse ou Coldplay ou quelque chose comme ça. C'était d'époque, hein. Comme le temps est défini pour vous, est-ce que vous avez la liberté de prendre le temps pour vous ? Oh, on a toujours la liberté, ouais. Ouais. On a des grosses balises dans notre vie quotidienne, tous, hein, avec les exigences professionnelles et de la vie privée, mais on a toujours la liberté d'agrémenter le temps comme on le souhaite, quoi. Donc le tout, c'est de prendre cette liberté-là, de ne pas avoir l'impression qu'on n'en a pas. On en a, ouais. Et dans le temps défini aussi, dans le temps de travail ? Oui, je pense qu'il faut organiser son travail aussi, apprendre peut-être à déstresser. On est tous d'une manière ou d'une autre stressés par notre travail. Il faut apprendre à gérer ses tâches pour un peu mettre du souffle, un peu d'air là-dedans. Sinon, on a l'impression d'être en apnée tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans votre emploi du temps ? Oui, c'est un peu m'écouter, ne pas avoir l'impression de faire que travailler, avoir un espèce d'équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée, les activités personnelles aussi, qu'on doit se retrouver seul, faire des choses qu'on aime rien que pour soi. Essayer de trouver un équilibre qui n'est pas toujours facile dans le monde hyper speedé dans lequel on vit. Donc l'essentiel, c'est l'équilibre. J'entends que vous travaillez vite dans votre emploi du temps. Est-ce que vous avez une recette perso pour gérer le stress induit par la pression du temps, justement ? Je ne sais pas si j'ai une recette perso. On va dire que ce n'est pas toujours bien, mais j'essaye d'être un peu à l'écoute dans la rédac, par exemple, de ce qui se passe au bureau d'à côté, quand ça rigole, quand ça discute. J'aime bien m'immiscer où les gens viennent discuter avec moi et on parle un peu d'autre chose. On sort un peu du travail, on pas tout le temps être concentré sur le travail. C'est pas la meilleure tâche, c'est peut-être pas le meilleur conseil qu'un directeur dirait, mais je trouve que ça fait du bien. Super. Est-ce que vous prenez le temps d'analyser ce que vous avez fait, que ce soit en émission ou autre chose dans votre vie ? Oui. Oui, je suis assez cérébral, je pense beaucoup à ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, comment j'aurais dû le faire. Et dans notre métier, c'est hyper important aussi, à la télé, en tout cas, de revoir les journaux, d'analyser la manière dont on a parlé de quelque chose, dont on a écrit un texte, la dynamique de l'émission. C'est très important de se regarder, c'est pas narcissique, c'est vraiment pour se critiquer. Est-ce que vous avez des histoires où vous avez procrastiné ? c'est tout le temps, quoi. Qui ne fait pas des listes des choses à faire et ne recopie pas chaque semaine ou toutes les deux semaines la liste avec 9 des 10 choses qui étaient déjà inscrites la semaine d'avant? Oui, bah, j'arrête pas, oui. Ça, c'est clair. C'est pas grave, en fait. Hein. C'est pas si grave. Ça dépend pourquoi, mais... Oui, c'est ça. Ça dépend pourquoi, mais effectivement. Est-ce que vous pourriez me dire quand c'est agréable pour vous de ne pas avoir le temps? De ne pas avoir le temps. Je sais pas, j'imagine d'être en vacances dans un pays très lointain et de courir dans une nature magnifique pour attraper un bus pour aller à un autre endroit magnifique. Là, j'ai vraiment pas le temps, mais je suis content de pas avoir le temps, quoi. C'est chouette. On le vit pleinement. Ah oui, combien de temps passez-vous à préparer votre émission? On passe toujours, ça paraît très, très long le temps qu'on met à préparer pour une émission si courte. Bah, nous, pour 15 minutes ou le 19h30, pour 30 minutes, on passe le même temps. C'est-à-dire qu'on est là depuis 8h15 le matin, plus ou moins, jusqu'à l'heure du journal. Donc c'est toute une journée bien, bien remplie. Est-ce que tu as des questions à nous poser? D'où vous venez? Pourquoi est-ce que vous faites cette émission? Quel est un peu le concept du projet? Les Indélébiles, nous sommes les Indélébiles. Nous sommes des journalistes joyeusement stressés et déprimés. C'est bien, c'est un bon point de départ. Voilà.